بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 39 dans Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid, le charh de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, qui s'intitule Qurrat Uyun al-Muwahhidin, et avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah dans son commentaire qui s'intitule At-Ta'liq al-Mukhtasar al-Mubin. Et on est arrivé donc à l'explication du hadith, et c'est un hadith qudsi rapporté selon Anas. C'est le dernier hadith qui est mentionné dans ce chapitre, d'accord. C'est le hadith قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها أو بقرابها مغفرة. C'est une partie d'un hadith. Le hadith au complet, il est beaucoup plus long que ça, mais on va le lire après, inshallah. Avant de lire ce hadith, le cheikh, par rapport à l'autre hadith précédent, il terminait en mentionnant un hadith. On aurait pu le lire au dernier cours, mais on n'avait pas de temps. Donc on va le lire maintenant. Le cheikh, il cite un hadith, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Il dit « Kama fil hadith al-sahih anil nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qal al-kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut » والعجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. C'est un hadith assez fort. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. Donc, qu'est-ce que ça signifie ce hadith? Le hadith, il signifie, c'est un hadith authentique, et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith-là, la personne qui est kayis, c'est-à-dire la personne qui est intelligente, la personne qui a al-aql, hein, qui est raisonnable et qui est intelligente, c'est man dana nafsahu. Man dana nafsahu, ça veut dire qui s'est fait des comptes à lui-même. Hein? Il s'est mis dans la balance et il se juge, il se fait des comptes à lui-même. Donc la personne intelligente, c'est celle qui se fait des comptes à elle-même et qui agit pour ce qu'il y a après la mort. Donc elle agit par rapport à qu'est-ce qui l'attend après la mort. Al-ajiz, c'est la personne qui est qui est paresseuse, découragée, qui ne fait pas d'efforts, hein? C'est celle qui a suivi sa passion et qui a des faux espoirs vis-à-vis d'Allah, hein? Qui se base uniquement sur des espoirs sans faire les actions ou sans faire les efforts nécessaires. Il fait juste se baser sur l'espoir. Ah, Allah, il va me pardonner. Allah, il va me protéger. Allah, il va me guider. Mais il ne fait aucune cause pour obtenir d'Allah la guidance et le pardon, et ainsi de suite. Il se base juste sur des espoirs. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, ce hadith-là. Il dit, « هذا حديث جامع مانع الكيس يعني العاقل من الكياسة وهي العقل من دان نفسه يعني حاسبها الإدانة المحاسبة يحاسب الإنسان نفسه ولا يزكيها قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى بل يحاسب نفسه ويعتبرها مقصرة ومفرطة في جنب الله هذا هو العاقل أما الذي يزكي نفسه ويمدح نفسه فهذا ليس بكيس ولا حاذق هذا شيء. Donc la première partie, le cheikh il explique, il dit donc c'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de al-kayis. Et al-kayis, on a dit, c'est la personne qui a la raison. Parce que le terme kayis, ça vient de al-qiyasa, qui veut dire la raison, al-aql. Et il dit mandana nafsahu, hein, qui se fait des comptes à lui-même, parce que al-idana, ça veut dire al-muhasaba, c'est-à-dire se faire des comptes, hein, ou faire des comptes, demander des comptes à quelqu'un. Donc celui qui se demande des comptes à lui-même, il se purifie pas lui-même, comme Allah il le dit dans le verset 32 dans sourate An-Najm, ne vous purifiez pas vous-même, ne vous faites pas des éloges à vous-même, ne vous glorifiez pas vous-même. C'est Allah qui sait, celui qui se préserve réellement de lui, hein, et qui est vraiment pieux. Et il dit donc, il faut que la personne, elle se demande des comptes à elle-même, et elle considère sa propre personne comme étant muqassira, c'est-à-dire comme s'il considère qu'il a des manquements vis-à-vis d'Allah. Il considère qu'il a négligé ses obligations envers Allah, envers Allah. Il ne va pas penser ou s'imaginer qu'il a atteint le degré plus élevé de la piété, qu'il est bon, qu'il est pieux, qu'il est fort dans la foi. Non, au contraire, il se demande des comptes à lui-même, puis il dit « j'ai pas fait suffisamment, j'ai pas adoré Allah comme il devrait être adoré, j'ai pas été pieux comme je devrais l'être, je devais faire plus d'efforts dans la religion ». La personne qui est comme ça, hein, elle se donne des comptes à elle-même, ça veut dire qu'en réalité, elle est intelligente. Hein? Elle ne se glorifie pas elle-même, elle ne se purifie pas elle-même. Hein? Donc il dit, فَهَذَا Donc celui qui se purifie et qui se glorifie lui-même, lui il n'est pas intelligent. Hein? Ça c'est la première chose. La deuxième chose, الشَّيْءُ الثَّانِي عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ يعني لا بد من عمل أيضا لا بد من عمل أيضا فلا بد من أمرين محاسبة النفس والعمل للدار الآخرة فهذا هو العاقل والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني هذا هو مجرد الانتساب إلى الحق وإلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن من غير تحقيق يقول لا إله إلا الله ولكن من غير تحقيق لمعناها وعمل بمقتضاها بل يتبع نفسه هواها ولو كان في معصية الله أعطاها إياه وهذا عاجز في الحقيقة ويتمنى على الله الأماني والأماني رأس مال المفاليس يتمنى الإنسان بدون أن يعمل هذا لا يفيده شيئا donc le cheikh il explique ensuite, il dit la deuxième chose c'est que la personne elle agit et elle agit en conséquence de qu'est-ce qu'il va y avoir après la mort, donc elle se prépare, donc il faut donc non seulement se faire des comptes mais aussi agir par rapport à qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà, hein, de se préparer pour l'au-delà, ça c'est les deux choses. Hein. Et donc la personne intelligente, elle agit ainsi. Tandis que la personne qui est dans l'incapacité ou la paresse, ou la... Assieds-toi comme il faut, Eshbek. Hein? Donc... Le cheikh il explique, il dit la personne qui est faible ou qui est incapable ou qui est, elle suit sa passion et elle a des faux espoirs vis-à-vis d'Allah parce qu'elle ne fait pas les actes nécessaires ni les causes, puis elle espère malgré tout obtenir quelque chose d'Allah de bien. Donc il dit ça c'est la personne qui se limite uniquement à son affiliation et à son appartenance à la vérité ou à son affiliation vis-à-vis du suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam, toutefois sans réalisation, sans rien de concret, hein, sans aucune action qui justifie ou qui prouve cette affiliation-là. Donc la personne, par exemple, elle va dire « La ilaha illallah », mais elle ne réalise pas sa signification et elle n'agit pas selon ce que ça implique. Hein, et... Au contraire, elle suit uniquement sa passion. Même si c'est dans la désobéissance d'Allah, elle lui donne la désobéissance que son âme désire. Hein, elle obéit à sa passion. Donc cette personne, en réalité, elle est incapable. Hein, c'est une personne faible, incapable. Et elle se base uniquement sur des faux espoirs vis-à-vis d'Allah. Et on sait que les faux espoirs, c'est le capital des gens qui sont en faillite. Hein? Des gens qui sont en faillite, hein? qui ont tout perdu. Parce qu'ils ont rien, ils font rien, et ils ont l'espoir d'obtenir tout. Hein? C'est comme les gens qui sont accros au jeu de hasard, par exemple. Hein? Ils jouent, ils perdent, puis ils ont toujours l'espoir qu'ils vont gagner. Nasallallahu alayhi wa sallam, c'est grave. Hein? Ils jouent et ils perdent. Et à chaque fois, ils disent, la prochaine fois, je vais gagner. Et ils perdent encore. Et ils continuent à jouer encore malgré tout. Et ils perdent de plus en plus. Et même quand ils gagnent, c'est pour tout perdre par la suite. L'Auto-Québec, les jeux de loterie, les jeux de hasard, ouais, c'est des al-ghurur. C'est ça al-ghurur. C'est les tromperies du shaitan. Les gens, ils perdent. Ils disent, il faut que je joue encore pour gagner ce que j'ai perdu. Hein? Pour au moins pour regagner ce que j'ai perdu. Et c'est un cercle vicieux parce que ça tourne toujours, en fait. Tu gagnes jamais, finalement. Hein? Je joue une dernière fois pour avoir gagné quelque chose, au moins regagner tout ce que j'ai perdu. Et finalement, à la fin, ils perdent encore. Donc c'est comme quelqu'un qui creuse sa propre tombe. Hein? Plus qu'il creuse, plus qu'il s'enfonce. Et plus qu'il est enfoncé dans le trou, ben plus il est plus capable d'en sortir à la fin. Hein? Parce qu'il a creusé trop profondément son trou. Hein? Allah al-musta'an. Donc c'est ça le danger, hein, de ces jeux-là. Et vous savez que même dans les endroits où il y a des casinos ou des choses comme ça, hein, ou bien les loteries comme tu parlais là, il y a dans des casinos, il y a certaines personnes, quand ils sont devenus accros au jeu, ils sont des fois même mis sur des listes noires. Ça veut dire aussitôt qu'ils vont rentrer là, eh bien il y a des caméras qui vont les signaler et ils vont tout de suite les accompagner à la sortie pour les empêcher de jouer parce que ils ont un problème avec le jeu, ils ne sont pas capables de se contrôler. Et il y en a qui ont tout perdu, hein, leur maison, leur voiture, hein, leur femme, leurs enfants, leur famille, tout. C'est très très grave. Parce que c'est comme devenu comme une drogue pour eux, c'est l'adrénaline. Hein. Tout ce que le challenge de qui leur vient là de l'adrénaline du stress de pouvoir tout perdre ou tout gagner, c'est l'excitation là que ça leur procure, c'est ça qu'ils aiment et ils sont devenus drogués de ça et ils peuvent plus s'en passer, toi. Donc ils cherchent toujours ça et il y en a qui parient sur toutes sortes de choses. Akhi Mohammed, min fadlik utruk al-jawwal la. La tabhath. Concentre-toi. Une fois, j'étais en classe dans le cours de fiqh, à la jami'a. C'est le cours de fiqh du hadith. Et puis, je cherchais dans le livre les fawa'id. Le cheikh, il dit, non, c'est pas dans le cours que tu dois chercher les fawa'id. C'est avant le cours. Là, il dit, maintenant, écoute, laisse le livre de côté. Hein? Donc c'est ça qu'il faut pas chercher les choses pendant le dars. Hein. Donc le cheikh il dit, ولكن من غير تحقيق. Donc tu fais, t'as des faux espoirs, beaucoup d'espoirs, mais aucune action. Donc ça marche pas. Même à l'école, tu veux faire, tu es à l'université par exemple, et ton professeur il vous a donné un projet, un travail que vous devez faire, hein, et vous devez le rendre. Et toi, tu dis, ah, demain, je vais commencer mon travail. Et demain arrive, et là, tu dis, ah, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ça. Ah, je vais recommencer demain. Alors, le lendemain arrive, ah, aujourd'hui, là, J'ai d'autres choses à faire, j'ai pas le temps. Le lendemain arrive. Finalement, le jour avant que tu dois remettre le travail, tu dis, oh non, il me reste plus de temps, je dois travailler. Là, tu commences, hein, tu travailles comme un fou. Hein. Tu passes la nuit toute réveillée pour essayer de finir ton travail, puis arriver l'heure pour rentrer dans ton cours, tu n'as pas fini. Donc, tu ne vas pas au cours, hein, tu concentres sur ton travail, après tu remets le travail en retard. Hein, c'est ça qu'il ne faut pas faire. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Donc, dans la dunya, c'est comme ça, mais dans l'akhira, c'est comme ça. Tu passes toute ta vie, tu passes ton temps à jouer, t'amuser, te distraire, t'oublies Allah, t'oublies les obligations, t'oublies tes devoirs. Puis là, après, tu commences à être vieux, tu commences à être fatigué. Là, tu dis, ah, maintenant, je dois faire beaucoup d'efforts pour me reprendre, pour me racheter. Peut-être que tu n'auras même pas cette chance-là. Peut-être que tu n'auras même pas cette occasion-là. Donc, il faut profiter pendant que tu es en bonne santé, pendant que tu es en bonne forme, pendant que tu es jeune, hein, pour essayer de faire beaucoup d'efforts, justement, pour être capable de faire plus de hasanat et de bonnes œuvres. Comme ça, par la suite, quand tu deviens plus vieux, hein, tu vas avoir pris des devances. Hein, tu t'es pris en avance depuis la jeunesse. Comme ça, tu arrives à ton âge plus âgé quand tu deviens fatigué et faible. Eh bien, ces choses-là continuent pour toi. Tu continues à faire les hasanat, même si tu es plus capable de les faire aussi intensément qu'avant, ou bien aussi avec autant de constance. Mais parce que tu le faisais auparavant dans ta jeunesse, Allah continue à te donner les mêmes récompenses, même si tu ne peux plus les faire par la suite. Bon, pour continuer, à propos de ce hadith qu'on a mentionné au début, le hadith de Anas radiyallahu anhu, le cheikh il le sait, il dit wa qawluhu wa lit-tirmidhi wa hassanahu an Anas radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Le sheikh il explique ici par rapport à ce hadith là, il dit ce hadith, hein, Sheikh Al-Fawza, bon, je vais le traduire en premier, après je vais vous lire l'explication. C'est rapporté selon Anas qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que Allah a dit ô fils d'Adam, si tu venais avec une quantité de péché comme équivalent à la terre, hein, la terre entière de péché, tu me viens avec la quantité de péché équivalent à la grandeur de la terre, puis tu me rencontres sans rien avoir associé avec moi, sans avoir fait de shirk avec moi, eh bien je te viendrai avec l'équivalent de pardon. Je te viendrai avec la même quantité, hein, la quantité de la terre en pardon. Donc ça te montre en même temps le mérite du tawhid, hein, et c'est ça le titre du chapitre, c'est Fadl al-Tawhid, te faire comprendre le mérite du tawhid. Et il dit donc, le Cheikh Al-Fawzan, pour expliquer ce hadith-là, « هذا الحديث في فضل التوحيد أيضا أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم هذا يسمى بالحديث القدسي والحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فيكون القائل هو الله والمتكلم هو الله والراوي هو الرسول صلى الله عليه وسلم والفرق بينه وبين الحديث النبوي أن الحديث القدسي من كلام الله ولفظ من كلام الله لفظه ومعناه أما الحديث النبوي فإن معناه من الله ولكن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الفرق بين النوعين أما من غلط وقال إن الحديث القدسي لفظه من الرسول ومعناه من الله عز وجل هذا غلط إذن ما الفرق بينه وبين الحديث النبوي هذا من ناحية الناحية الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله وهذا يقول لا ما قال الله وإن الذي قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم هذا غلط واضح وما أظن أن أحدا من السابقين تكلم في هذا الحديث بل كانوا يروون الحديث القدسي كما جاء ولا يتعرضون لمثل هذا الكلام والفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث القدسي والفرق بين القرآن والحديث القدسي كل منهما كلام الله ولكن القرآن متعبد بتلاوته والحديث القدسي ليس متعبدا أو ليس متعبدا بتلاوته أيضا القرآن ثبت بالتواتر القطعي والحديث القدسي قد يكون آحادا ليس متواترا وأيضا قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا بحسب السند. Donc le cheikh il commence par expliquer en parlant de ce hadith là, il dit que ce hadith il nous montre le mérite et l'excellence du tawhid et il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith il dit ô fils d'Adam. On appelle ce hadith là le hadith Qudsi. Qu'est-ce que ça veut dire le hadith Qudsi? Ça veut dire que c'est une parole qui est rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne les paroles d'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne les paroles de son Seigneur. Donc dans ce hadith qu'on appelle le Qudsi, le hadith Qudsi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Et le transmetteur de la parole d'Allah, c'est le messager. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le narrateur. Et la différence entre le hadith Qudsi et le hadith ordinaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que dans le hadith al-Qudsi, la parole est la parole d'Allah dans ses termes et dans sa signification. Tandis que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith ordinaire, eh bien, sa signification vient d'Allah, mais les termes et les mots sont les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça la différence entre les deux. Le hadith Qudsi, c'est la parole d'Allah et la signification d'Allah. Tandis que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la signification vient d'Allah, mais les mots viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça la différence entre les deux. Et certains parmi les gens de Bid'a, ils ont expliqué la chose de façon incorrecte, ou ils se sont trompés dans cet aspect-là, parce qu'ils disent que le hadith Qudsi, c'est les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la signification qui vient d'Allah. Et ça, c'est une erreur, parce que si tu dis ça de cette façon, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre le hadith Qudsi et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la raison pourquoi souvent ils disent ça, c'est parce qu'eux, ils ne reconnaissent même pas déjà au départ que Allah parle. Parce que parmi les gens de bid'a comme les Asha'ira, les Maturidiya, et les Mu'tazila et les Jahmiya, eux, ils ne croient pas que Allah parle. Ils nient les attributs d'Allah. Donc, ils refusent de dire que le hadith al-Qudsi, c'est la parole d'Allah. Et même pour eux, le Qur'an, pour eux, ils refusent de dire même que le Qur'an, c'est la parole d'Allah. As-salallahu al-afiyah. Donc, c'est important de comprendre ça, que le hadith Qudsi, c'est la parole d'Allah, et le hadith Qudsi, c'est la parole d'Allah et la signification qui vient d'Allah. Tandis que le hadith ordinaire, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la signification qui vient d'Allah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas de lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى » C'est-à-dire, il ne parle pas selon la passion. C'est uniquement une inspiration ou quelque chose qui lui est révélé, une révélation qui lui est révélée. Et le cheikh, il explique ensuite, il dit, donc, le premier point, pour comment on peut comprendre l'erreur de ces gens-là, pourquoi ce qu'ils disent est incorrect par rapport au hadith Qudsi. Quand ils disent que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la signification qui vient d'Allah, c'est parce que déjà en premier, ça c'est la même définition que le hadith ordinaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith ordinaire, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. et la signification qui vient d'Allah. Donc ça veut dire que si tu l'interprètes comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre le hadith ordinaire et le hadith Qudsi. Le deuxième point aussi, c'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il mentionne ce hadith, il dit « qala Allah », c'est-à-dire « Allah a dit ». Hein? Donc comment toi tu viens puis tu dis non, c'est pas Allah qui a dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, si c'était pas Allah qui l'avait dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pas dit Allah a dit, hein? Donc si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qala Allah, ça veut dire c'est Allah qui l'a dit, t'as pas le droit de dire que c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Donc celui qui dit c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça, il est dans l'erreur claire. Et il dit, je ne pense pas qu'aucun d'entre les premiers parmi les ulama de l'islam et les rapporteurs de hadith n'ont jamais eu de problème avec ce hadith-là. Hein? Il n'y en a aucun qui ont dit ce genre de parole, en voulant dire que ce ne serait pas la parole d'Allah, mais que ce serait la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, ils rapportaient le hadith tel qu'il est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne se sont jamais objectés, hein, à ça. Et ils n'ont jamais ramené d'autres explications ou d'autres interprétations différentes. Et il dit donc, par contre, qu'est-ce qu'on peut dire sur la différence entre le hadith Qudsi et le Coran? C'est quoi la différence? Puisque le hadith Qudsi c'est la parole d'Allah et que le Coran c'est la parole d'Allah, quelle est la différence entre le hadith Qudsi et le Coran? Eh bien, le cheikh il explique que la différence entre les deux, c'est que le Coran c'est une parole dont la récitation est une adoration. Réciter le Coran, c'est une adoration. Tandis que réciter le hadith Qudsi, c'est pas, il n'y a pas d'adoration à le réciter, hein, de tilawa, de le psalmodier ou bien de le réciter avec une belle voix. Il dit également, le Coran est rapporté par tawatur. At-tawatur al-qat'i, c'est-à-dire que le Coran est rapporté avec tawatur qat'i, c'est-à-dire par un nombre extrêmement grand de rapporteurs qui atteint le niveau de la certitude, c'est-à-dire il n'y a personne qui peut douter sur quoi que ce soit de ce qui est rapporté du Coran, parce que le nombre de rapporteurs du Coran est tellement grand que ça atteint le degré de tawatur. Tandis que le hadith al-Qudsi, il est possible qu'il soit rapporté par un seul narrateur ou deux. C'est pas obligé que ce soit mutawatir. Hein? Et en même temps, c'est possible que le hadith Qudsi soit authentique. Il peut aussi être hasan, bon, ou bien il peut être faible, selon la chaîne de narrateurs. Donc il y a une différence entre le hadith Qudsi sur ce plan-là et le Coran. D'accord ? Aussi, le cheikh dit, wal hadith fihi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna Allah azza wa jalla yaqul ya ibn Adam, hadha khitab min Allah li jinsi bani Adam, wal ma'na ya ibn Adam li anna al-mufrad idha udifa ya'um yaqul fa qawluhu ya ibn Adam mithlu qawlihi ya bani Adam إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. القراب هو ملء الشيء أو ما يقارب ملأه. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل لو أتيتني بقراب الأرض يعني ملء الأرض أو ما يقارب ملأها. خطايا يعني الذنوب ومعاصي لكنها دون الشرك ولهذا قيدها بقوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا يعني ذنوب دون الشرك أما من لقي الله بالشرك فإن الله لا يغفر له كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يعني دون الشرك من الذنوب والمعاصي لمن يشاء ففي هذا الحديث فضل التوحيد لأن من سلم من الشرك فإنه أتى بالتوحيد فيحصل على هذا الوعد من الله وهو المغفرة وهذا يوافق الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc le cheikh il explique ensuite par rapport à la signification du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith là que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au fils d'Adam en disant ô fils d'Adam. Et quand il dit fils d'Adam, même si le mot fils il est au singulier, ibn, il ne faut pas penser que c'est adressé à une seule personne, hein, à un fils d'Adam. Non, fils d'Adam, hein, le cheikh il dit idha udifa ya'um. Donc le singulier quand il est mudaf, hein, eh bien il devient général. Donc c'est comme s'il s'adressait à chaque fils d'Adam individuellement, d'accord, même s'il ne dit pas ya bani Adam. Bani ça veut dire pluriel, hein, les aux fils d'Adam au pluriel, tandis que ya bna Adam c'est un, hein, c'est singulier, mais ça implique qu'il s'adresse à chaque fils d'Adam individuellement. Donc ça comprend tout le monde, hein? Les fils et les filles aussi, même s'il mentionne ça au singulier, c'est quand même, ça implique quand même les filles d'Adam aussi, d'accord. Donc il dit Yabna Adam, au fils d'Adam. Et donc il dit si tu venais, hein, ou si tu me venais avec des péchés équivalent à la terre remplie de péchés, hein? Et il explique que le terme qui est employé dans le hadith innaka law ataitani biqurab, il dit que le mot qurab ou al-qurab en arabe, ça veut dire le plein de quelque chose, le plein de quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui est plein ou presque plein. Donc ici la signification du hadith, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il dit si tu venais à moi avec des péchés aussi pleins que la terre entière, la terre entière pleine de péchés, hein, la quantité de péchés que tu avais fait pouvait remplir la terre au complet, hein, puis tu me viens avec cette grande quantité de péchés là, hein, et il dit ça signifie que si tu venais avec la terre entière remplie de péchés et de désobéissance, mais que ces péchés-là sont moindres que le shirk, c'est des péchés qui sont en dessous du shirk, dans la gravité, et ça c'est une clause, hein, ou une restriction dans la signification du hadith qui est très importante, hein, parce que le cheikh il explique que après il dit puis tu me rends compte sans avoir fait de shirk et sans avoir associé quoi que ce soit avec moi, parce que on parle ici des péchés qui sont en dessous du shirk ou moindres que le shirk, tandis que celui qui rencontre Allah avec du shirk, hein, Allah ne va pas lui pardonner. La preuve de ça c'est dans le verset 48 ou 47 plutôt, dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: certes, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre à qui il veut. Donc un autre péché, moindre que le shirk, il le pardonne à qui il veut. Mais le shirk, lui, impardonnable. Celui qui meurt, hein, sans s'être repenti du shirk, il n'a pas d'espoir de pardon. Tandis que celui qui meurt sans s'être repenti d'un autre péché, alors qu'il n'a pas commis de shirk, mais il a commis d'autres péchés comme un meurtre, ou il a fait l'adultère, ou bien il a volé, ou bien il a tué, ou il a menti, ou il a fait d'autres crimes qui sont interdits mais qui sont en dessous de la gravité du shirk. Alors dans ce cas-là, même s'il meurt sans se repentir, il peut toujours obtenir le pardon d'Allah et espérer en sa miséricorde. D'accord. Et il dit le cheikh ensuite, يعني دون الشرك من الذنوب, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, يعني دون الشرك من الذنوب والمعاصي لمن يشاء, عز وجل ففي هذا الحديث فضل التوحيد لأن من سلم من الشرك فإنه أتى بالتوحيد فيحصل على هذا الوعد من الله وهو المغفرة وهذا يوافق الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله ما دون ذلك يعني ما هذه موصولة ويغفر ما دون ذلك يعني الذي دون ذلك من صيغ العموم يعني يغفر الذنوب يعني التي دون الشرك وإن كانت من الكبائر فإن الله عز وجل يغفرها إذا شاء سبحانه وقد يعذب صاحبها ثم يدخله الجنة بعد ذلك. Tu peux utiliser la chaise hein, si tu veux, ça me dérange pas. Ok. Donc le cheikh il explique, il dit donc Allah, il dit dans le verset 47 dans sourate An-Nisa, certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Ici, c'est-à-dire tout péché qui est moindre que le shirk parmi les péchés, on a mentionné des exemples, à qui il veut. Hein, à qui il veut. C'est-à-dire que c'est selon sa volonté. Hein. Donc il ne faut pas non plus se dire, comme certains, « Ah, mais je n'ai pas fait de shirk, donc... » je peux faire n'importe quel péché que je veux, puis de toute façon, Allah il va me pardonner. Hein? Tu sais pas. Peut-être qu'il va te pardonner, peut-être qu'il va pas te pardonner. Hein? L'iman yasha, à qui il veut. Donc, tu dois pas te sentir en sécurité parce que tu dis, moi je n'ai pas fait de shirk, donc ça veut dire que Allah il va me pardonner tous mes péchés. Peut-être qu'il va pas te pardonner ton péché. Peut-être qu'il va te pardonner, ou peut-être qu'il va pas te pardonner. Donc ça veut dire que tu vas rentrer en enfer s'il te pardonne pas tes péchés qui sont moindres que le shirk. Tu vas rentrer en enfer. Tu dis, oui, mais je veux pas rester pour l'éternité. C'est vrai, tu vas pas rester pour l'éternité parce que t'as pas fait le shirk. Donc tu vas rentrer en enfer pour un certain temps. Mais tu sais pas combien de temps. Tu sais pas combien de temps. Ça peut être 500 ans. Ça peut être 1000 ans. Ça peut être plus. Ça peut être moins, mais tu ne sais pas. Et déjà 500 ans, vous imaginez 500 ans dans l'enfer, hein? Tu ne veux même pas passer une seconde en enfer, même pas une seconde. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, on prend quelqu'un, on le sauce dans l'enfer, juste une saucée là, comme ça. Hein? On le prend, on le trempe dans l'enfer, juste une fois, une trempée dans l'enfer. Il oublie tous les délices et les plaisirs qu'il a goûtés dans cette vie. Naam. Et c'est pour dire, ça c'est juste une trempée dans l'enfer. Ça veut dire même pas une seconde. Imagine celui qui reste là-bas 500 ans. Ta vie là, maintenant, pense à le nombre d'années que tu as vécu jusqu'à date. Hein? Peut-être que vous avez vécu quoi? Hein? 30 ans? 20 ans? Plus? Moins? Ça dépend de la personne. Eh bien, dis-toi que tous ces jours-là que tu as passé dans cette vie... Hein? Quand tu y penses, tu penses au passé, tu dis ça fait juste, on dirait que ça fait quelques heures que j'ai vécu seulement. Parce que c'est des souvenirs que tu as dans ton esprit. Mais quand tu regardes le temps qui passe, hein, tu vois que le temps il passe pas si vite que ça. Imagine, surtout quand tu es en train de souffrir ou d'être châtié ou de vivre des choses difficiles, le temps a l'impression de passer encore plus lentement que d'habitude. Hein? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas supporter le châtiment. Tu ne peux pas dire donc, ah, c'est pas grave, je vais rentrer en enfer, mais je ne vais pas rester longtemps. Et ça, c'est la parole de qui? Hein? C'est la parole des Juifs. Hein? وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا. Hein? C'est la parole des Juifs. Ils ont dit, le feu, il ne va pas nous toucher excepté quelques jours. Hein, quelques journées seulement. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Avez-vous pris un engagement avec Allah? Allah ne va pas manquer à son engagement. Ou bien vous dites à propos d'Allah ce dont vous n'avez aucun savoir, hein? Ce que vous ne savez pas. Donc ça c'est pour dire, yani, ça c'est ça al-amani, c'est les faux espoirs que certaines personnes gardent en eux-mêmes, continuant de vivre dans les désirs et les passions, puis espérant par la suite, malgré tout, obtenir de la part d'Allah son pardon et sa miséricorde, sans faire les causes. Mais c'est ça que je suis en train d'expliquer en réalité. Si quelqu'un prend ce hadith-là tout seul et se base sur le hadith tout seul pour penser que peu importe le péché, qu'est-ce qu'il fait, que ça va être correct pour lui, il ne va pas aller en enfer parce qu'il n'a pas fait de shirk, ça veut dire qu'il n'a pas compris le hadith comme il faut. Et pour comprendre un hadith ou pour comprendre un verset dans le Coran, tu ne peux pas juste te limiter à un seul hadith ou à un seul verset. Il faut prendre tous les versets et tous les hadiths ensemble pour comprendre le réel sens qui est relié à ce sujet-là. Et donc, on a déjà expliqué, même dans le verset, là, le verset qu'on est en train d'expliquer, le verset dans Sourate An-Nisa, verset 47, il nous clarifie déjà un peu plus le sens de ce hadith-là. Hein? Et il nous aide à comprendre qu'il y a des conditions. Hein? C'est pas yani, absolu, dans son sens absolu, l'iman yasha, hein, pour celui que Allah veut. Et il dit duna dhalika wa yaghfiru ma duna dhalika. Il dit en arabe le terme ma duna dhalika. Le ma ici, il dit c'est un ma qu'on appelle mausula. Ma mausula. Et en français, on appelle ça un pronom relationnel. Hein? Donc, ça veut dire, c'est comme si tu disais « Alladhi ». « Alladhi duna dhalika ». « Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi »« Wa yaghfiru alladhi duna dhalika liman yasha ». Donc, ici, le cheikh, il mentionne que un des sens des pronoms qui sont Mawsoula, l'asma al-mawsoula, c'est qu'elle donne un sens de généralité, c'est-à-dire quelque chose qui est général. Ça veut dire, le cheikh il dit, que ça, c'est le fait que Allah pardonne les péchés qui sont en dessous du shirk, et moins graves que le shirk, même s'ils font partie des grands péchés. Allah subhanahu wa ta'ala va les pardonner à qui il veut. C'est ça la chose qu'il faut comprendre. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala peut vouloir pardonner à quelqu'un comme il peut également vouloir les châtier puis les faire rentrer au paradis. S'il décide de te pardonner, c'est par sa miséricorde. Et s'il décide de te châtier, c'est par sa justice. Donc dans tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala, il agit selon sa sagesse. Hein? Et il sait qui mérite et qui ne mérite pas. Et quand il punit quelqu'un par l'enfer et qu'il décide de le châtier pour ses péchés, eh bien c'est pour le nettoyer de ses péchés-là. C'est pour le purifier de ses péchés-là. Comme ça, lorsqu'il va le faire sortir de l'enfer et qu'il va le mettre au paradis, il ne restera plus en lui aucune trace de cette impureté-là ou de ce péché-là qu'il avait commis. Il va être complètement nettoyé. Et souvent les gens, on a cette sensation là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais lorsque quelqu'un tombe malade, ou bien qu'il est vraiment malade, qu'il a eu une fièvre et qu'il est malade pendant plusieurs jours au lit, et une fois qu'il commence à se sentir mieux et qu'il guérit, après quelques jours il sent comme si on dirait qu'il a été nettoyé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu te sens comme si t'es plus, t'as été purifié par cette maladie-là. Ça vous a jamais arrivé, ça? Non? Vous ne sentez pas une fois, après quand vous êtes guéri d'une maladie, on dirait que vous vous sentez comme si vous êtes remis à neuf? En tout cas, j'ai déjà eu cette sensation-là. C'est comme si des fois on a l'impression que quand Allah il nous donne quelque chose, une épreuve ou une maladie ou quelque chose, c'est comme si on dirait qu'on a tellement souffert dans cette maladie-là que quand on en sort, on dirait que ça nous a nettoyé complètement. Hein? Parce que des fois, la maladie, c'est une façon de nous purifier. Ça peut être aussi un châtiment, un malaise ou quelque chose qui nous touche par lequel Allah nous nettoie de nos péchés. Et le prophète, il l'a dit ça dans le hadith, que tout ce qui nous touche comme fatigue, comme stress, angoisse, tracas, soucis, ou n'importe quoi, même une aiguille qui quelque chose qui te pique, hein, une épine qui te rentre dans le doigt ou quelque chose comme ça, même ça, Allah t'enlève des péchés pour ça. Ça veut dire que c'est une expiation pour tes péchés. Et tout ce que tu peux subir comme difficulté ou dureté ou douleur ou maladie ou accident ou blessure, Allah t'efface des péchés pour ça. Du moment que tu l'acceptes et que tu reconnais que ça fait partie de ce que Allah a prédestiné pour toi et que tu ne t'objectes pas à sa prédestination et que tu ne blâmes pas ou critiques pas son décret. Hein? Donc Allah il te pardonne pour ça à cause de ta foi en qadar, ta foi en la prédestination. Donc ça c'est important. Ensuite le cheikh il dit thumma لقيتني لا تشرك بي شيئا بهذا القيد فدل على فضل التوحيد وأن الله يكفر به الذنوب ودل على أن من لقي الله بالشرك فإن الله لا يغفره له وهذا فيه فضل التوحيد وهذا واضح من الحديث لأتيتك بقربها مغفرة أي ملء الأرض مغفرة يعني فرحمته ومغفرته وسعت كل شيء مغفرته أعظم من ذنوب بني آدم فمن ظن أن ذنبا لا تسعه مغفرة الله وأن فإنه لم يعرف الله عز وجل فمعرفة الله واسعة إلا الشرك فإنه لا يغفر ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. Le cheikh il explique ensuite il dit hein, donc tout ce qui est moindre que le shirk Allah il le pardonne. Il dit donc s'il veut, il peut lui pardonner. S'il veut, il peut le châtier. Puis ensuite, il va le faire rentrer au paradis du moment qu'il n'a pas fait de shirk. Et dans le hadith, s'il me rencontre sans avoir fait de shirk avec moi, et ça c'est la restriction ici dans le hadith, c'est la preuve du mérite et de l'excellence du tawhid et que Allah subhanahu wa ta'ala peut expier par le tawhid les péchés des hommes. Et il dit, c'est la preuve que quiconque rencontre Allah sans avoir fait de shirk, hein, il sera, Inch'Allah, au paradis. Tandis que celui qui rencontre Allah avec le shirk, Allah ne va pas lui pardonner. Donc ça montre l'excellence du tawhid et le mérite du tawhid. Et ça, c'est clair dans le hadith, puisque Allah il dit, je vais lui donner l'équivalent, hein, la quantité de la terre entière de pardon. Donc, la miséricorde et le pardon d'Allah enveloppent toute chose. Hein? La miséricorde et le pardon d'Allah enveloppent toute chose. Son pardon est plus grand que les péchés de tous les hommes réunis, excepté le shirk. Hein? Donc, le shaykh, il dit, celui qui pense qu'il y a un péché qui est plus grand que le pardon d'Allah, alors il n'a pas connu Allah. Parce que le pardon d'Allah est plus grand et plus vaste que tout, excepté le shirk que Allah ne pardonne pas. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit dans le hadith, il dit dans le verset, pardon, le verset 32, dans Surat al-Najm, ceux qui s'écartent des grands péchés, hein, al-kaba'ir, ainsi que les turpitudes, hein, al-fawahish, excepté les petits péchés, c'est-à-dire ils s'écartent des grands péchés et des turpitudes, yani, sauf les petits péchés. Ça veut dire que les petits péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les pardonner. Si quelqu'un a fait des petits péchés, Allah va lui pardonner, parce que toutes les choses que tu fais dans ta vie de tous les jours, les prières que tu fais, le wudu, les adhkar, toutes les bonnes actions que tu fais, hein, et même les choses comme j'ai mentionné tout à l'heure, les blessures que tu te fais ou le fatigue ou toutes les choses, ça efface tous ces petits péchés là, d'accord. Et il dit illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira. Allah dit, ton Seigneur est certes yani vaste, hein, et grand en pardon. Le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est vaste, il est large. Donc il ne faut pas que tu penses, hein, comme certains parfois, ils disent j'ai tellement commis des grands péchés que Allah il va jamais me pardonner. Hein? Pourquoi tu penses que Allah il va pas te pardonner? Est-ce que tu as tué 100 personnes? Hein? Est-ce que tu as tué 100 personnes? Non, tu n'as pas tué 100 personnes. Parce que celui qui a tué 100 personnes, Allah l'a pardonné. Donc s'il a pardonné celui qui a tué 100 personnes, pourquoi il ne peut pas te pardonner toi? Est-ce que tu as tué 100 personnes? Non. Donc le pardon d'Allah, il est plus grand que ton péché. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, son pardon, il est plus grand. Il y a des gens qui disent, ah, tel ou tel tyran dans l'histoire, ils ont tué des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Et malgré ça, ces hommes-là, s'ils sont morts en demandant pardon à Allah, ou s'ils sont morts sans demander pardon à Allah, mais qu'ils sont morts sur le tawhid, ils peuvent quand même aussi être pardonnés. Parce que mil'ul ard, la terre remplie de péchés, ça comprend plus que tuer 100 000 personnes. Hein? Donc ça, si quelqu'un rencontre Allah avec le tawhid, Allah peut lui pardonner ça aussi. Et la fin du hadith, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, on veut compléter le chapitre, on est à la fin. Le cheikh, il dit « Thumma laqitani la tushrik bi shay'a wa hada ma'na la ilaha illallah li'anna la ilaha illallah tanfi shirk wa hada al-hadith fi ahli la ilaha illallah alladhina qaluha arifina bima'naha amilina bimuqtadaha. » Donc le cheikh il dit, puis tu me rencontres sans avoir rien fait comme shirk et sans avoir associé avec moi. Il dit, ça c'est la signification de la ilaha illallah. Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, parce que c'est la négation du shirk. Et le cheikh il dit que ce hadith concerne les gens qui font partie de la ilaha illallah, c'est-à-dire qui ont accepté la ilaha illallah et qui le pratiquent. Ceux qui disent la ilaha illallah avec la connaissance de sa signification et qui agissent selon ce que ça implique, ceux-là, ils auront, hein, cette promesse et cette récompense de la part d'Allah. Et ça aussi, ça montre une chose importante aussi, c'est que quand tu fais la da'wah à des gens qui ont déjà accepté le tawhid et qui connaissent déjà la foi, c'est une chose différente que lorsque tu t'adresses ou que tu fais la da'wah à des mushrikines ou à des gens du livre qui font du shirk, parce que ceux-là ils sont sous la menace, parce qu'ils font du shirk, ils sont sous la plus grande menace. S'ils meurent sur le shirk, c'est fini pour eux. Tandis que les musulmans, tu les appelles au tawhid, à purifier leur tawhid, à améliorer leur tawhid, à approfondir leur tawhid, mais la base du tawhid ils l'ont déjà, hein. Et tu les appelles à purifier leur tawhid, à améliorer leur tawhid en délaissant les péchés, en délaissant les bid'ahs, en délaissant les désobéissances qui affaiblissent leur tawhid. Mais la base du tawhid, ils l'ont déjà. D'accord? Vous comprenez la différence? Alhamdulillah. Donc le cheikh, il dit ensuite, allati, hein, الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول في هذا الحديث ما يبين معنى لا إله إلا الله التي رجحت بجميع المخلوقات وجميع السماوات وأن ذلك هو ترك الشرك قليله وكثيره وذلك يقتضي كمال التوحيد فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده وأتى بما تقتضيه كلمة الإخلاص من العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Donc le cheikh il dit, et ce hadith clarifie la signification de la ilaha illallah, qui est plus lourd dans la balance que les sept cieux et les sept terres et toutes les créatures mises ensemble, hein, et que tous les péchés réunis, hein. Donc celui qui délaisse le shirk, hein, qui délaisse le shirk, que ce soit le grand ou le petit shirk, ou le shirk dans toutes ses catégories, eh bien c'est ça qui est impliqué par la perfection du tawhid. Et donc il dit, personne ne peut être exempté ou protégé du shirk excepté celui qui a concrétisé et réalisé et purifié son tawhid, et qui amène ce qui est impliqué par la parole du tawhid, la parole de l'ikhlas, qui est la ilaha illallah, c'est-à-dire les conditions de la ilaha illallah. Il faut pas juste prononcer cette parole comme ça, mais il faut qu'elle soit accompagnée de ces conditions, de la connaissance, de la certitude, de la véracité, de la sincérité, de la pureté d'intention, hein, de l'amour, de la soumission et de l'acceptation. Ça, c'est les sept conditions de la ilaha illallah que le cheikh il répète ici. Puis il dit, et d'autres également parmi ceux qui est impliqué au sujet de cette grande parole. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hein, c'est-à-dire le jour où aucun bien ni enfant ne sera profitable excepté à celui qui est venu à Allah avec un cœur saint, un cœur pur. Et ça, c'est le verset 88 et 89 dans Sourate Ash-Shu'ara. Et pour terminer, on va juste clarifier, on va mentionner les commentaires de Cheikh Al-Fawzan sur ces points-là, par rapport au fait que cette parole de la ilaha illallah, elle est plus lourde que toutes les créatures, les sept cieux et les sept terres et tout ce qui est dedans, ainsi que tous les péchés, hein. Il dit le Cheikh Al-Fawzan, la ilaha illallah rajahat bi jami' al-makhlouqat, hein, kama fi hadith Abi Sa'id radiyallahu anhu alladhi qabla hadha wa hadithu anna Musa azza wa jal qala ya rab allimni shay'an azkuruka wa ad'uka fihi. الحديث فيه أن لا إله إلا الله رجحت بالسماوات وحديث البطاقة الذي قبله فيه لا إله إلا الله رجحت بالسيئات وهذا الحديث مثل حديث البطاقة أن لا إله إلا الله يعني ترجح بالسيئات التي دون الشرك. Donc le cheikh il dit, la ilaha illallah est plus lourd que toutes les créatures mises ensemble, comme c'est mentionné dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri avant, qu'on a mentionné auparavant, et le hadith qui dit, hein, ce que Moussa alayhi salam il a dit, oh mon Seigneur, apprends-moi une parole par laquelle je vais pouvoir me rappeler de toi et t'invoquer, et il lui a dit de dire la ilaha illallah, et il lui a mentionné que si tu mets la ilaha illallah, hein, sur un des plateaux d'une balance, et que tu mets sur l'autre plateau de la balance les sept cieux et les sept terres et tout ce qui est dedans, eh bien la ilaha illallah serait plus lourd que ça. De même que le hadith de la carte sur laquelle il y a la ilaha illallah, on a placé cette carte là sur un côté, sur un des plateaux de la balance, alors que sur l'autre côté il y avait 99 registres, hein, qui sont aussi hauts que là où l'œil peut voir, c'est-à-dire aussi grand que là où l'œil peut regarder, c'est-à-dire la fin du regard, et qui sont remplis de péchés. Et on place cette petite carte avec la ilaha illallah sur l'autre côté de la balance, et c'est la carte avec la ilaha illallah est plus lourde que les 99 recueils remplis de péchés. Donc le cheikh il explique que ça c'est ce qui nous montre que la ilaha illallah est plus lourd que tous ces péchés-là, bien entendu en dehors du shirk, hein. Et par rapport à l'autre explication, par rapport à ce qu'il dit que le shirk il faut s'en écarter et délaisser le shirk, que ce soit une forme de shirk qui est grande ou petite, qui est peu ou beaucoup. Et le cheikh, il explique sur ça en disant « La tushrik bi shay'a, kalimatu shay'a, يعني تجنب الشرك الأكبر والأصغر لأن كلمة شيء في سياق النفي تعم كل شرك سواء كان أكبر أو أصغر ولكن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه ويخلد في النار أما الشرك الأصغر فإنه لا يغفر لصاحبه ولكنه لا يخلد في النار بل يعذب بقدر ذنبه ثم يدخل الجنة أو يدخل الجنة وهذا على القول بأن الشرك الأصغر لا يغفر وهناك من يرى أن الشرك الأصغر يدخل في مغفرة الله عز وجل. Donc il dit par rapport à ce point-là qu'on doit s'écarter de tout ce qui est shirk, que ce soit grand ou petit. Il dit le cheikh que la parole dans le hadith la tushrik bi shay'a, tu n'associes rien avec moi, tu ne fais aucune forme de shirk en associant quoi que ce soit avec moi, eh bien la parole shay'an, c'est général. Ça implique toutes les catégories de shirk, que ce soit grand ou petit. Et donc la parole shay'an, ça veut dire une forme de shirk quelconque. Et c'est dans le sens de la négation, donc ça implique tout le shirk, que ce soit un grand shirk ou un petit shirk. Sauf que le shirk majeur, c'est quelque chose, si quelqu'un le commet, Allah ne va pas lui pardonner. Allah ne va pas lui pardonner et il va être éternellement en enfer. Tandis que le shirk mineur, alors Allah ne le pardonne pas à la personne qui l'a commis, sauf qu'il ne va pas être éternellement en enfer à cause de ce péché-là. S'il est châtié, il sera châtié selon la quantité de ou la proportion de ce péché-là, puis ensuite il entrera au paradis. Et ça, c'est selon la position de ceux qui disent que le péché mineur ou le shirk mineur ne va pas être ceux qui disent que le péché mineur ne sera pas pardonné. Tandis que il y a d'autres ulama qui considèrent que le shirk mineur peut rentrer dans le pardon d'Allah. D'accord ? Donc il y a sur le shirk mineur, il y en a qui considèrent que il peut être pardonné, d'autres considèrent que ça rentre dans le shirk de façon générale, dans le sens que même si Allah ne va pas faire rentrer éternellement quelqu'un en enfer pour un shirk mineur, mais malgré tout, la personne ne peut pas être pardonnée de ce péché-là, sauf si elle a été châtiée. Donc elle va être châtiée pour le shirk mineur, mais elle ne sera pas éternellement en enfer pour ça. Ensuite, par rapport aux conditions de la ilaha illallah, Cheikh Al-Fawzan dit « هذه الشروط لا إله إلا الله لا يسلم من الشرك إلا من حقق لا إله إلا الله بشروطها السبعة التي سبق ذكرها » Donc il dit « La ilaha illallah » elle a sept conditions. Et donc celui qui n'a pas réalisé ou concrétisé la signification de ces sept conditions-là, eh bien il ne sera pas exempté du shirk. Et ensuite il dit, comme point numéro, le dernier point qu'il a mentionné à propos du verset « Excepté celui qui vient à Allah avec un cœur pur », il dit « Al-qalb al-salim huwa al-muwahhid al-mukhlis lillahi alladhi » Donc il dit que le cœur qui est pur, qui est saint, c'est le cœur du monothéiste, celui qui est sur le tawhid et qui a purifié son adoration pour Allah seul. Et il a été exempté de toutes les formes de shirk et de toutes les mauvaises intentions. Naam. Donc c'est ce qui conclut le chapitre numéro 2 dans Kitab al-Tawhid, Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub, le mérite du Tawhid et ce qu'il expie comme péché. Donc ça vient conclure ce chapitre-là. Au prochain cours, on commencera, bi'idhnillah, demain, le chapitre 3. Le chapitre 3, donc, ce sera le titre de ce chapitre, c'est Bab. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. C'est-à-dire le chapitre de celui qui purifie son tawhid, il entre au paradis sans châtiment. Donc ça c'est un autre mérite parmi les mérites